Le roman de la bague, La malédiction du diamant bleu et un aspic de légumes d'été aux herbes et sa mousse de chèvre frais. Écrit par Hélène du Guézouvraz, lu par Armen pour audiocité.net. Qu'est-ce qu'un diamant si ce n'est un peu de boue lumineuse ? S'interrogeait Joseph Joubert dans ses carnets. Et en effet, un diamant n'est qu'une pierre jusqu'à ce que l'esprit humain lui accorde une valeur et le tailleur de diamants en façonne les facettes de manière que le rayon qui pénètre dans la gemme par l'une d'elles ne peut en sortir que par la même. D'où le feu et l'éclat. Paul Valéry. Voici l'histoire d'un caillou, un diamant bleu, qui fut l'objet de toutes les convoitises, les légendes et les fantasmes, et qui a donné du fil à retordre et du grain à moudre jusqu'au bout de ce monde, du roi Louis-Philippe au Titanic, en passant par Brest et Arsène Lupin. On ne sait pas de quel sol fut extrait ce diamant bleu. Russie, Botswana, Australie, ni quand. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il fut taillé, ajusté sur la couronne de Louis-Philippe Ier, duc d'Orléans, fugace roi des Français de la monarchie de Juillet. Après son abdication, il mourut en exil outre-Manche, alors que, dans des circonstances qui sont loin d'être claires, on rapporte que Henri d'Orléans, duc d'Aumale, un des 10 enfants du fertile mais infortuné roi, arracha le diamant bleu à la couronne paternelle en guise d'héritage. Toute sa vie, parallèlement à sa posture de bonus pater familias, de militaire, d'homme politique, de bibliophile et d'amateur d'art, le duc d'Aumale sera accompagné d'une petite notoriété de chaud lapin réputé pour ses acrobaties amoureuses improbables. Il laissera d'ailleurs dans les alcôves parisiennes tarifées son nom à une expression argotique apparue vers 1880 et citée par Alphonse Boudard à la duc d'Aumale, qui désigne une position érotique compliquée sur la technique de laquelle les auteurs divergent. Bref. Pourtant réputé pingre selon les cocottes de l'époque qu'il fréquente assidûment, il s'entiche d'une brillante demi-mondaine, Léonide Leblanc, actrice des théâtres de vaudeville et femme spirituelle, à laquelle il offre néanmoins le fameux diamant bleu. À la mort de Léonide, des suites de ce qu'il est convenu d'appeler une longue maladie, en 1894, elle avait à peine 52 ans, le diamant bleu, à propos duquel il commence à se murmurer qu'il porte la poisse, est mis en vente et racheté par la future comtesse de Rodelec pour la somme phénoménale de 50 000 francs or. Diamant magnifique, énorme, d'une pureté incomparable et de ce bleu indéfini que l'eau claire prend au ciel qu'il reflète, de ce bleu que l'on devine dans la blancheur du linge. On admirait, on s'extasiait. Maurice Leblanc. Née aux États-Unis en 1850, Béatrice Charlotte Antoinette Denis de Kéredern de Trobriand épouse à Paris en 1869 John Burnett Steers, le fils du créateur de l'usine à gaz qui alimentait les réverbères de Brest à la fin du XIXe siècle. Un très beau parti, financièrement du moins. Il possède plusieurs propriétés, dont un manoir brestois néo-gothique assez ostentatoire, construit sur un promontoire surplombant l'usine à gaz qui a fait la fortune familiale et faisant face à la plus belle rade du monde. Si, si. Le couple fait également construire un étonnant manoir tout aussi rococo au Levant, dans les terres, sur la commune de Plabennec. En 1888, légèrement alcoolique, c'est une litote, John Bernard Steers décède à Brest, laissant une veuve et trois enfants, Béatrice ou Béatrix, future comtesse de Malaisie, Marie-Marthe qui meurt en 1894 et Morlaix qui meurt en 1904. Béatrice de Kéréden de Trobriand épouse alors en seconde noce le comte Olivier Marie-Joseph de Rodelec du Porzic le 20 novembre 1900 à Paris. Les époux ont un quart de siècle de différence, mais pour le comte, jeune, joueur et violent, il s'agit avant tout de redorer son blason grâce à l'argent de sa femme. C'est dans ce contexte que le diamant bleu poursuit sa trajectoire maléfique. Dans la soirée du 2 août 1906, les Rodelec du Porzic, qui reçoivent pendant la belle saison des amis dans leur manoir de Kerstiers, dont l'attaché de l'ambassade de Russie, termine la soirée par un récital dans le grand salon. La comtesse, qui se pique de musique, s'installe donc au piano, se défait de sa quincaillerie, deux bracelets et quatre bagues, dont notre diamant, et entame donc quelques interprétations. On applaudit la maîtresse de maison, puis chacun se retire pour la nuit. La comtesse oublie ses bijoux. Le lendemain, le diamant bleu a disparu. On imagine sans peine le remue-ménage, les gémissements et les cris d'orfraie, les interrogatoires suspicieux du petit personnel et les regards lourds de sous-entendus. La police est mandée, la presse lève le lièvre, il n'en faut pas plus pour que naisse au cœur du morne-été brestois 1906 la rocambolesque affaire du vol du diamant bleu. Les tribulations de notre diamant vont ondoyer sur tout le territoire et passionner les foules. La police mène l'enquête avec une diligence à la hauteur du rang social des plaignants et les soupçons de vol, quelque peu orientés, dit-on, par le comte, se portent vite sur l'attaché de l'ambassade russe. 20 jours plus tard, coup de théâtre, on nage en plein vaudeville. On retrouve le diamant dans sa boîte de dentifrice en poudre. À l'époque, la pâte dentifrice n'existait pas. Le diplomate, confondu et qui crie à la machination, passe la nuit au violon, selon les termes du journaliste de la Dépêche de l'Ouest. L'affaire enflamme les rédactions locales, défraie la chronique nationale et passionne le pays. Si les hôtes de Kerstiers laissent tomber les charges très vite, puisque la bague est retrouvée, on préfère jouer la discrétion. Il n'en est pas de même du commensal russe, le rouge au front, qui attaque bientôt en diffamation les Rodelec du Porzic. Un procès retentissant, attirant une foule considérable de journalistes et de curieux, s'ouvre le 10 juillet 1907, qui sera l'occasion aux deux parties en présence, demandeurs et défenseurs se sont fait porter pâles, par la voix de leurs tonitruants avocats parisiens, d'un infâme déballage sur les petits travers et la vie privée des uns et des autres et de dérapages déclamatoires tous azimuts. Le compte rendu des débats emphatiques et outranciers, publié sous le titre de « Roman de la bague » dans la Dépêche de Brest, laisse sans voix le justiciable de ce début de XXe siècle. Le défenseur de l'attaché d'ambassade proclame que son client, honorable diplomate, n'est nullement rastaquaire, remet en cause avec fracas le titre nobiliaire du comte. L'avocat des Rodelecq de Porzic assène à la cour des considérations à l'emporte-pièce comme « on dit que la femme est un miroir qui ne réfléchit pas ». On apprend que le diplomate a provoqué Olivier de Rodelecq en duel au bois de Boulogne pour tenter de régler leurs différends. La domestique du diplomate est traitée par le procureur de la République de « soubrette venimeuse ». Beaucoup de bruit pour rien, ou tout du moins pour pas grand-chose. Finalement, personne ne sera retenu coupable de ce vol. Le diplomate sera débouté et le mariage des Rodelecq du Porzic volera en éclats. Quoi qu'il en soit, cette merveilleuse et riche matière, Maurice Leblanc s'en saisit au service de son emblématique personnage, le gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Dans Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, 1908, il évoque dans le deuxième chapitre l'affaire du diamant bleu. Il revint dans la salle, aborda Herschmann, se fit connaître et l'interrogea sur la lettre. Herschmann la lui donna. Elle contenait, écrits au crayon, à la hâte, et d'une écriture que le financier ignorait, ces simples mots. « Le diamant bleu porte malheur. Souvenez-vous du baron d'Autrec. » Les tribulations du diamant bleu n'étaient pas achevées et déjà connues par l'assassinat du baron d'Autrec et par les incidents de l'hôtel Drouot, il devait, 6 mois plus tard, atteindre à la grande célébrité. L'été suivant, en effet, on volait à la comtesse de Crozon le précieux joyau qu'elle avait eu tant de peine à conquérir. Quant au diamant, il poursuivit ses tribulations maléfiques en ricanant. On a longtemps murmuré que Marie-Antoinette Lydia Béatrice, la fille de la comtesse, avait récupéré le bijou. Restée à Brest pendant les bombardements de Seconde Guerre mondiale, dont on sait qu'ils ont été énergiques au point de rayer la ville de la carte, alors que le château de Kerstiers est occupé par les Allemands. Mais elle mourut lors de l'explosion de la Brisse à Di Carnot, au beau milieu de centaines d'autres victimes, la bague au doigt, dit-on. Mais d'autres murmurent qu'il n'en est rien. L'effrayant pouvoir maléfique du diamant ayant profondément marqué la comtesse, devenue très superstitieuse à l'issue de cet épisode judiciaire éprouvant, elle aurait vendu cette bague redoutable à une richissime Anglaise qui aurait fait partie du voyage inaugural du Titanic en avril 1912. Le diamant bleu aurait donc gagné sa liberté dans la Grande Bleue, sous près de 4000 mètres d'eau glacée. C'est cette issue que je choisis en partageant avec Louis-Philippe, Léonide, la comtesse et la mystérieuse Lady un aspic de légumes aux herbes et sa mousse de chèvre frais. Et vous? Pour une dizaine d'invités curieux de la comtesse, un grand bocal de ratatouille maison réalisé au cœur de l'été avec les légumes du jardin ou ceux du marché. 2 courgettes, une jaune et une verte, 2 oignons rosés de Roscoff, 2 aubergines, 2 poivrons, un rouge et un jaune, 4 belles tomates bien mûres, 2 gousses d'ail rose de Lautrec, un petit bouquet de persil et de basilic, huile d'olive, piment d'Espelette, sel de Guérande. Pioca ou 10 grammes d'agar-agar par litre de ratatouille, un pot de 500 grammes de fromage blanc de chèvre frais, un gros concombre impérativement bio, 4 gousses d'ail, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, un petit bouquet de menthe bergamote fraîche pour obtenir 1 cuillère à soupe de feuilles de menthe hachées, 1 pincée de fleurs de sel de Guérande, 1 pincée de poivre. Pour la ratatouille, lavez les aubergines, les poivrons, les courgettes et les tomates. Détaillez tous les légumes en petits cubes, y compris les oignons. Faire revenir l'aubergine dans un joli filet d'huile d'olive. Dans une cocotte à fond épais, faire revenir les dés d'oignons dans de l'huile pendant quelques minutes. Ajoutez alors les dés de poivrons, puis après quelques minutes, les tomates. Laissez cuire à feu moyen. Adjoindre alors à cette base les courgettes et l'ail. Puis après quelques minutes, ajoutez les aubergines, salez et poivrez, puis finir par les herbes très finement émincées. Réservez ou, tout simplement et hors saison, ouvrir le bocal de ratatouille. Mesurez une dose d'un litre de ratatouille. Prélevez le jus rendu et le versez dans une petite casserole. Ajoutez alors la pioca. Laissez cuire quelques minutes et filtrez. Pour l'agar-agar, ajoutez la poudre dans le jus, bien mélangé, et laissez cuire doucement 2 minutes. Ajoutez alors le jus dans la ratatouille, bien mélangé, et placez alors dans des petits moules en silicone, type moules à muffins, ou dans des verrines. Laissez refroidir, puis réfrigérer quelques heures, idéalement une nuit. Pendant que les petits aspics gélifient tranquillement au frais, s'occupez de la mousse de fromage blanc de chèvre. Commencez par placer le fromage blanc dans un chinois pour les goûter au frais pendant une paire d'heures. Ne pas éplucher le concombre, mais bien le laver, le couper en deux, ôter les extrémités, puis les graines à l'aide d'une cuillère. Le râper. Le placer dans une passoire et laisser s'égoutter une paire d'heures. Éplucher les gousses d'ail, les râper ou les piler au mortier. Laver, sécher et émincer très finement les feuilles de menthe. Dans un petit saladier, mélangez le fromage blanc, le concombre, l'ail, la menthe, une cuillère à soupe d'huile d'olive, la fleur de sel et le poivre. Répartir dans des verrines individuelles et réfrigérer. Au moment du service, démoulez les aspics dans de jolies assiettes. Poser une verrine de fromage blanc et une petite salade assaisonnée au citron, aux herbes fraîches et à la fleur de sel. Servir avec élégance, avec un petit rire de gorge, en arborant négligemment comme il se doit un diamant bleu à l'annulaire. Même pas peur du maléfice.